C'est la chronique de la Ligue de hockey JMS avec notre ami Pierre Gay. La chronique est une commandite d'identification sport. Donc, si vous êtes à la recherche de sacs de voyage faits sur mesure ou encore d'équipements de sport, vous pouvez contacter Identification Sport ou encore vous pouvez aller sur leur site pour connaître leurs différents produits. Donc, sur identificationsport.com. En attendant, on va parler avec Pierre Gay. Salut Pierre! Salut Danny! Pierre, on va évidemment parler de ce qui se passe actuellement dans la Ligue JMS. On va parler plus de notre secteur, évidemment, parce que c'est plus le secteur que je couvre. Mais on va parler des Sabres de Robertval qui ont joué deux matchs au cours du week-end. Oui, les Sabres ont disputé deux rencontres au cours du week-end. Vendredi, on a eu un excellent match avec les Marquis qui s'est terminé 5-3. Ça a été un match très, très serré. Ça a été égal tout le long du match. Excepté que les Marquis ont profité de marquer deux buts dans les 6 ou 7 dernières minutes de jeu, ce qui a changé la différence. C'était une défaite de 5-3. Par contre, dimanche, avec un minimum de joueurs, ouais, et presque tous les meilleurs joueurs des Sabres n'étaient pas présents, travaillaient ou étaient retournés à l'école. Donc, disons que ils ont eu toute une dégelée contre les Marquis au compte de 8-0, je pense. Ouais, c'est un petit peu la réalité du hockey. On va parler de ton garçon tantôt, Guillaume. Donc, on va en parler davantage. Maintenant, on va parler également des Éperviers de Normandin qui, du côté de les Éperviers qui ont joué à deux reprises, deux défaites également, 10-6 et également 3-2. Contre les Saguenay. Ouais, du côté de la partie contre Chicoutimi, j'ai été un excellent match. 3-2, ça aurait pu virer d'un bord ou l'autre. Mais du côté d'Alma, c'est vraiment une surprise. On sait que les Edlons n'avaient pas encore remporté un match. Malgré que vendredi soir, lors de leur ouverture, ils avaient perdu en supplémentaire contre les Sags. Et ils menaient 3-1 en troisième période. Donc, on voit que les Edlons sont une équipe qui sont en train de remonter au classement. Mais vendredi, dimanche, c'était une surprise. Moi, j'étais allé à la partie Jonquière parce qu'on devait rencontrer l'arbitre-chef de la zone, de la région. Puis après deux périodes, c'était 5-5. Normandin me menait même 3-1 au début. 5-5, quand j'ai arrivé chez moi puis que j'ai vu le score 6-6 pour les Edlons, j'ai été ébloui de voir ça. J'imagine que... Mais c'est une équipe infatigable. Mm. Ils travaillent. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est une équipe qui n'a pas perdu aucun point de comportement cette année. C'est une équipe disciplinée. Qui sont bien dirigés. Oui, effectivement. Donc, les Aiglons. C'est encore... C'est qui est l'entraîneur à Alma? À Alma, c'est Claude Pelletier, puis son assistant André Richard. André Richard a déjà été mon entraîneur, l'entraîneur de Melon, dans le temps qu'on avait les Edlons d'Alma. Mm. Puis André, c'est un vieux de la vieille, c'est un ancien entraîneur de la vie. Donc, c'est pas des deux. C'est deux entraîneurs d'expérience. Mm. C'est certain que cette équipe-là va remonter au transplant. Ça va serrer plus le transplant. On le voit même présentement, là. Mm. Alors, tu vois que Normandin termine avec 17. Et la dernière position, c'est les Edlons avec 11. Donc, il y a 6 points de différence. C'est pas, on vient de prouver que la Ligue est pas mal balancée. OK. Donc, il y avait d'autres matchs également. Victoire des Sabres, des Saguenayens 4-3 contre les Edlons. Des matchs qui touchent plus le Saguenay, les équipes du Saguenay, du Lac-Saint et d'Alma. Et également, victoire des Marquis. Ben, on en a parlé. Donc, le seul match qui nous intéressait à part ça, c'est victoire des Sags 4-3 contre les Aiglons. Au niveau midget maintenant, il y avait également des matchs. Donc, on va en parler demain davantage avec Robin Boulian des Castors de Dolbeau. Mais du côté du Marcos Pop de Saint-Félicien, et il était en action du côté du Marcos Pub et ils ont joué à 3 reprises. Ils étaient à Bécomo, hein? 3-0, 8-2 et également 3-1. Ils ont perdu. Oui, ils jouaient à Bécomo. Comme j'ai dit au début de l'année, ils ne devaient pas faire partie de la Ligue, ils n'avaient pas de joueurs. Présentement, ils sont deuxièmes au classement. Pourtant, c'est 1 ou 2 points peut-être des Marquis. Donc, c'est une surprise, mais moi, Danny les a vus, mon vice-président, puis il dit que Saint-Félicien a encore une excellente équipe. Ah ouais. C'est sûr que la grosse équipe, c'est les Marquis de Jonquière, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs de 17 ans. Donc, ils sont une équipe expérimentée avec ces joueurs de 17 ans-là. Ils sont en avantage de pouvoir dominer pas mal. Mais la classe 1, je suis pas inquiète, ça va bien. OK. Donc, du côté des Castors, bon, on va en parler, comme je t'ai dit, demain. Il y avait également des matchs qui impliquaient les Castors et les Saguenay, victoire des Castors, plutôt défaite des Castors 9-1. Et du côté également Midget, est-ce qu'il faut parler aussi de défaite des Saguenay Chicoutimi 5-2 sur les Aiglons d'Allemagne? Oui, c'est ça. Les Aiglons sont remplacés. Au début de l'année, ils ont eu un mauvais début de saison, mais ils semblent être l'équipe qu'on pensait qu'elle allait avoir. Une lutte avec les Marquis, peut-être Saint-Félicien va être là. C'était sûr qu'au début, on avait nos deux équipes favorites, Edlon, Marquis, mais là, Saint-Félicien, c'est un début de saison, il semble mêler les quatre. Chibougamau encore aussi est dans la lutte. Il y a les équipes de la Côte-Nord qu'on peut pas savoir parce que c'est les premières parties de Comeau. Sept-Îles commence en fin de semaine, les premières parties, les trois premières parties. Ça va peut-être plus nous donner une idée du calibre de ces équipes-là. Comment ça va, Bécomo? Est-ce que les instants sont potables? Est-ce que... Je n'ai aucune idée, Danny. Je peux pas te dire aucune idée. Okay. On va avoir une réunion prochainement. On va parler avec les représentants des deux places. Je sais qu'à Saint-Île, il y a un peu de monde d'instrade. Là, moi, j'étais allé il y a deux ans. Il y a du monde d'instrade. Pas pire, mais de là à dire que c'est vraiment... Les bonnes estrades, c'est Saint-Félicien encore. C'est encore le haut du lac qui attire beaucoup de monde. Puis Chibougamau aussi. Chibougamau, ça sera, puis ça sera toujours. Hein, c'est le AB, le hockey là-bas. Ça fait que quand ils jouent, le midget, c'est devant 300 personnes, 300-400. Le junior, ben, ça vous donne ça de compte. Fait que c'est ça. Ben, ouais. Pierre, on s'en reparle. Je sais pas si on va s'en reparler la semaine prochaine, mais en tout cas, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ça va être toi, ben ça va être un autre. Oui, j'espère qu'on va trouver notre jeune. On a deux autres à rencontrer cette semaine. OK, donc on rappelle... Je vais être long. On rappelle évidemment que cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos besoins pour du côté des sacs de voyage, de sport ou encore de l'équipement sportif fait sur mesure, ben, vous pouvez contacter l'équipe d'identification sport. Pierre Guay, un gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Danny. Bye. Pierre Guay, qui est le directeur ou le président de la Ligue de hockey.